la revue de l'année de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour. Phil, qu'est-ce qui t'a marqué en 2019? C'était une maudite belle année pour les sportifs, c'était une belle année. Ben, écoutez, ça dépend toujours sur quel plan. Moi, sur le plan régional, d'ailleurs, je vais en parler demain dans le journal Le Quotidien, c'est la retraite de Samuel Girard et de Cassandra Bradette. Dans le cas de Cassandra, c'est pas nécessairement une grande surprise parce que c'était plus difficile un peu pour elle. Mais dans le cas de Samuel Girard, qui venait de gagner deux médailles aux Olympiques, qui était l'espoir numéro un de l'équipe canadienne sur la courte piste, qui décide à 22 ans de prendre sa retraite, pour moi, c'est une surprise. Honnêtement, je sais que c'est un travail ingrat d'être un athlète olympique. T'as pas toujours les revenus nécessaires, t'as pas toujours non plus la visibilité que tu pourrais avoir. C'est un travail de longue haleine. Tu travailles et t'es impliqué sur le plan de l'entraînement 7 jours presque sur 7. Donc, moi, personnellement, je pense que ce retrait-là, cette retraite-là dans le corps de Samuel, ça m'a surpris. Mais écoutez, c'est décevant, oui et non. Écoutez, c'est son choix personnel. C'est sa vie à lui. Peut-être qu'il s'amusait plus à faire ça. Peut-être que ses buts étaient atteints. Donc, il passe à une autre étape très différente. Donc, moi, personnellement, c'est une des choses qui m'a marqué dans la dernière année. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Phil, il semble heureux. Hein? Il y avait un reportage, je ne sais pas si tu as vu. Les deux semblent très heureux. Là. Oui, un reportage de 2-3 semaines. Ce n'est pas une décision qui a été sûrement facile à prendre. Mais quand je regarde un peu le cheminement de Samuel, les gens qui le connaissent un peu plus près disent qu'ils ne sont pas nécessairement surpris. Mais écoutez, il avait toujours dit qu'il voudrait revenir dans son patelin, revivre où ce qu'il était, ses racines à lui, à Ferland Boileau et tout. Donc, il revient chez lui. Il a décidé de passer à une autre étape de sa vie. Ben, écoutez, on doit respecter ça. C'était un athlète tout à fait exceptionnel le temps qu'il a été un athlète. Il a gagné, qui peut se promener avec une médaille olympique dans les mains, deux médailles dans son cas à lui. Il n'y en a pas beaucoup de ces athlètes-là. Donc, moi, je pense que bravo. Moi, je dis que, écoutez, toujours possibilité un jour de dire qu'il pourrait peut-être d'ici 2 ou 3 ans revenir en arrière et dire je reprends ma carrière d'athlète, mais pour l'instant, il est à une autre étape de sa vie et je pense qu'on doit respecter ça du côté de Samuel. Mais ça a été une méchante claque d'en face pour c'est quoi, c'est l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur côté. Ah oui, écoute, ils voyaient la relève de Charles Hamelin, là. Ah oui, c'était la relève de Charles Hamelin. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. C'était lui, là. C'était lui le leader de l'équipe. On sait que la réputation de l'équipe canadienne, dans les dernières Olympiques, avec l'équipe de courte piste, c'était le succès avec beaucoup de médailles, des choses comme ça. Là, est-ce que le Canada pourra répéter ça dans les prochaines années? Marianne Saint-Gelais est partie. Là, c'est Samuel Girard qui est parti. Charles Hamelin n'est plus là non plus. Donc, tu sais, tu regardes ça, c'est 3 kingpins de l'organisation qui est parti. Et est-ce qu'on a une relève qui est prête? Il y a Kim Boutin actuellement qui semble vouloir prendre la relève du côté féminin, mais il n'y en a pas une tonne là, pour du côté masculin. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Phil, c'est un sport qui est en pleine effervescence aussi. C'est un sport qui... Oui, surtout les pays asiatiques là, connaissent énormément de succès. Ce sont des athlètes qui connaissent du succès, qui sont à travers le monde réputés. 2, là-bas, ça a connu énormément de popularité. Écoutez, on fait des tournois là-bas, on fait des Coupes du Monde, c'est rempli à craquer, les gens sont des maniaques de ça, donc on peut penser que les prochaines années, c'est vraiment les Asiatiques qui vont être dominants dans le sport, surtout du côté des hommes. OK. De autre chose aussi, les Saguenayens, j'imagine? Bon, les Saguenayens, écoutez, c'est une équipe qui est en pleine progression. Il est arrivé l'an passé l'arrivée de jeunes joueurs, et là, je parle de Rochette, Dufour, Lapierre, Ignatiev. Il arrivait de jeunes bons joueurs de hockey et ils avaient tous 17 ans. Rappelons-nous qu'en série l'an passé, oui, ils ont perdu contre Rimouski en 4, mais les 2 premiers matchs sont allés en prolongation. Donc, les Seigneurs ont pu se retrouver avec une priorité de 2-0. Mais on savait à ce moment-là que l'équipe vraiment avait vraiment en main et ce qui était nécessaire pour bien performer. Et on s'attendait à ce que les Saguenayens progressent cette année. Mais moi, je pense que l'arrivée de Hervé Pinard a changé la donne. À partir de là, les Saguenayens ont pensé qu'ils pourraient faire un grand pas. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est produit dans les dernières semaines avec les nombreuses transactions qu'Yannick Jean a posées, avec les vétérans qu'il est allé chercher, les gars d'expérience et tout. Actuellement, il faut dire que les Saguenayens sont favoris pour aller chercher la Coupe du Président et même aller à la Coupe Memorial. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment une progression extrêmement rapide pour l'organisation des Saguenayens avec l'arrivée. Mais rappelons-nous qu'il y a 2 ans, on avait 3 choix dans les 6 premiers de tout le repêchage. Je pense que Yannick Jean avait préparé ce repêchage-là en fonction de dire on va repêcher et on va bâtir autour. C'est exactement ce qui est produit, sauf que quand il arrive le moment de gagner, tu dis je dois sacrifier. C'est un peu pourquoi il a sacrifié Dufault, il a sacrifié Rochette, mais il a actuellement en main tout ce qui est nécessaire pour dire on va aller le plus loin possible et peut-être même gagner la Coupe du Président, ce qui n'a pas été fait depuis de nombreuses années. Donc, moi, je pense que ça, c'est une belle surprise, c'est une belle progression, et je pense que les amateurs de hockey vont vivre un printemps super le fun. Mais dans la dernière année, toujours au niveau du junior majeur, c'est 2 gars de la région, Samuel Harvey et Hervé Pinard, ont gagné la Coupe du Président, ont gagné la Coupe Memorial. Tu sais, dans l'histoire du hockey régional, c'est jamais arrivé, là. Que deux gars de la région qui évoluaient avec Rouyn-Noranda ont remporté la Coupe Memorial et la Coupe du Président la même année. Eh bien, on peut voir même cette année, un gars comme Hervé Pinard pourrait peut-être même remporter une autre Coupe du Président puis une autre Coupe Memorial. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire du hockey junior majeur. Et je pense que ces deux gars-là de la région peuvent dire mission accomplie. Et dans le cas de Hervé Pinard, il a été repêché à 19 ans, qui est extrêmement rare dans la Ligue nationale de hockey, et en plus par le Canadien de Montréal. Donc, pour Hervé Pinard, c'est vraiment une année de rêve. Repêché par les Canadiens, gagner la Coupe Memorial, la Coupe du Président, puis revenir, terminer sa carrière junior dans son patelin, avec son équipe de sa région, ben, qu'est-ce que Hervé Pinard peut demander de mieux? Assez difficile, merci. Là. OK. Phil, au niveau du côté sur la scène du sport national? Bon, écoutez, moi je pense que je peux pas. Moi, je vous te dirais les Alouettes. Parce que les Alouettes, même si on n'en parle pas beaucoup, c'était une équipe moribonde. C'est une équipe qui allait nulle part. Et avec des changements très rapides, on a congédié le directeur gérant, on a mis un instructeur en place. Lui a décidé de faire confiance à un jeune carrière. Et à partir de là, l'équipe a progressé de façon incroyable et a connu énormément de succès. Donc, je pense qu'au Québec, quand tu regardes les équipes professionnelles, le Canadien n'a pas fait les séries l'an passé. L'Impact de Montréal a connu une saison extrêmement décevante. Je pense on doit se rabattre sur les Alouettes en disant cette équipe-là a connu du succès inespéré alors que personne ne parlait d'eux. À la fin de la saison, on remplissait le stade à Montréal. Donc ça, moi, je pense que c'est une belle progression. Et il y avait vraiment peu d'intérêt pour le football. Puis là, on voit très, très bien que le football est connu. Puis, si je veux parler au niveau national, moi, je pense que les Raptors de Toronto, avec le basketball, qui ont remporté tous les grands honneurs, puis à la surprise de tous cette année, malgré le départ de nombreux joueurs et des joueurs majeurs, ils continuent de gagner de façon tout à fait spectaculaire et avec une progression fantastique, surtout avec un Montréalais, un ancien gars d'ailleurs qui a joué au Collège d'Alma, Chris Boucher, qui connaît énormément de succès. Donc, moi, je pense que c'est des belles histoires qui se sont déroulées dans la dernière année. Puis souvent, on oublie rapidement puis qu'on parle très peu, mais ils connaissent du succès. Bianca aussi, en terminant. Comment? Bianca Andreescu. Oui, Andreescu, ça, faut en parler, parce que le tennis régional, ici, a connu du succès avec le Challenge Banque Nationale, mais Andreescu, qui était ici il y a 2 ans, est devenu une grande vedette internationale et l'une des meilleures joueuses au monde après avoir passé 12 mois avant ici au Challenge Banque Nationale. Il faut le faire, là. Quand tu regardes sa progression de cette fille-là, c'est tout simplement extraordinaire. Et surtout, qu'elle est inattendue, là. On savait que c'était une bonne joueuse, une joueuse qui allait progresser et qui avait probablement des espoirs d'être parmi les 20 ou 25 ou 30 meilleurs. Mais là, elle est dans le top 5 au monde. Espérons que les blessures ne viendront pas nuire à sa progression, parce que c'est un peu le lot, mais le temps où elle était à son sommet au niveau conditionnement physique, elle a impressionné tous les observateurs. Je pense que de ce côté-là, vraiment, elle a marqué, d'ailleurs, elle a gagné l'athlète par excellence au niveau canadien, au niveau du tennis, puis au niveau de tous les sports. Je pense que c'est pleinement mérité dans le cas d'Andreescu, parce que Elle a surpris tout le monde. Puis, elle continue de progresser. Ça, je pense que c'est intéressant. Avec un coach qui est très québécois, qui a connu du succès comme instructeur avec les Tennis Canada, ben là, lui, il poursuit avec Andreescu. Puis ça, c'est, je pense, un des faits saillants de la dernière année. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Phil, merci beaucoup encore une fois pour ta collaboration. Ça fut fort apprécié encore une fois tous les vendredis. Je te souhaite beaucoup de santé. En 2019. Abondance, Danny, la santé, c'est ce qui est important. Ouais. Puis continue de s'amuser et avoir du plaisir également. Oui, Phil, et on souhaite une joyeuse fête et on se reparle en direct le 3 janvier. Merci, au revoir. Commentaire de Philippe.